Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Mon País 90.1 et on se retrouve pour une nouvelle émission de Blood at Roots sur les ondes avec Stéphane, Julien, moi-même, Mathieu à la technique et un invité surprise dans la personne de Laurent. Pour ce mois qui débute un petit peu la saison du printemps, on vous a concocté une émission un peu nostalgique. Non, je sais pas. Julien. Tout à fait, si, c'était nostalgique dans le sens où c'était un style musical qu'on écoutait il y a 20-30 ans. On va en reparler, mais ça rappelle un peu notre jeunesse. Enfin, ça pour fait certains. Bizarre de le dire, 20-30 ans, ouais. Plutôt jeune, mais du coup, ouais. On va parler principalement, donc du coup, vous l'avez deviné, des années 90. Exactement, ouais. Le rock'n'roll dans les années 90. Alors, sur avec plusieurs angles, parce qu'il y a angle géographique. On va aller de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où le rock'n'roll est apparu dans les années 50. On va aussi aller en Angleterre, au Royaume-Uni, où il s'est fortement répandu dans les années 60. Où il s'est démocratisé, j'allais dire. Ouais, tout à fait. Où il a trouvé une forme plus populaire. Ouais. C'était la British Invasion. C'est ça. C'est ça. Hein. Ouais. Et on va aussi aller en Europe, mais Royaume-Uni y compris. Hein. On va aller aussi en France. Surtout en France. Surtout en France. Après, j'ai découvert qu'en Allemagne, en Espagne, bien sûr, il y avait du rock'n'roll dans les années 80-90. Mais on va pas... Alors c'est 90, hein. Oui, on va pas trop le passer aujourd'hui parce qu'ils ont mélangé les styles. Les Espagnols et les Allemands, oui, les Allemands, ils se sont plus inspirés des Américains. Mais... Avec une problématique certaine quand même. Venir en France pour parler de rock, est-ce que c'est pas antinomique quelque part? On verra ça peut-être un petit peu plus tard. Je te laisse dérouler. Ouais, du coup, l'émission donc rock'n'roll, je vais revenir un peu aux sources du rock'n'roll. Donc on l'a dit, c'est un style musical qui est apparu dans les années 50 aux États-Unis et qui s'est développé en différents sous-styles dans les années 60 aux États-Unis et au Royaume-Uni principalement. Donc il va prendre ses racines, ça on l'a vu dans les émissions précédentes de Blood at Roots. Ça va être influencé par le rhythm blues et la country. Ça, on l'a vu, on a passé pas mal d'émissions cette année-là. C'était la question de savoir s'il était afro-américain ou, ou blanc-américain ou WASP, un peu les deux. On n'a pas eu la réponse. Il les a réunis en tout cas. Ouais. C'est ce qu'on avait retenu en fait, je crois. Ce qu'on avait dit, c'est que c'était de toute façon un style de musique qui, était, qui se matinait à chaque génération. Quoi. Et il avait retenu pour la première, ils les avaient réunis pour la première fois dans la même salle, à danser ensemble. Et donc le rock'n'roll, comme beaucoup de styles musicaux, il a fait, entre guillemets, des enfants. Il y a eu le rock psychédélique, le garage rock, le folk rock, le jazz fusion, dont Stéphane a parlé déjà, le blues rock, le rock progressif, dont on va parler aujourd'hui, le glam rock, le hard rock, le heavy metal. Le rock français. Le rock français. On y vient. Voilà, quand on parlait de styles qui se matinent au fil des générations. Et comme tout style musical avec ses artistes et toutes les personnes qui écoutent le rock'n'roll, on voit que le style est décliné avec des performances scéniques un peu iconiques et un style vestimentaire bien à lui. Sur chaque sous-style, vraiment ils vont se démarquer avec un style vestimentaire bien à eux. Niveau musical, là, Pierre-Julien, tu valideras ou tu corrigeras. Donc le rock'n'roll est caractérisé par une mélodie vocale dominante, accompagné de plusieurs guitares électriques, une guitare basse et une batterie. Et on a vu qu'au fil du temps, il y a des synthétiseurs qui sont venus accompagner, des cuivres, etc. Ouais. Je n'ai rien à ajouter. Okay. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt de la musique à guitare, ouais. Et à batterie, ouais. Tout à fait. Exactement. Bien on retrouve toujours au moins une guitare, une basse et un... Et une batterie, sauf de certains cas particuliers, on retrouvait chez Jerry Lee Lewis, par exemple, basse, batterie et piano. Donc, ça reste une base. Une base solide, guitare, basse, batterie, je pense que oui. Ouais. Et comme Blood at Roots le fait assez fréquemment, il y a un contexte aussi sur cette musique. Donc l'engagement de certains groupes de rock, ils font parfois référence à deux thèmes. Voilà, qu'on retrouve dans beaucoup de textes de ces chansons, donc à la sexualité et aux drogues. Et ça a permis C'est le fameux. On va en passer une d'ailleurs, une musique qui est. C'est le fameux sex drug. Ouais. Et ça a servi aussi de vecteur des mouvements sociaux et culturels. Avec les mods en Angleterre, on en a parlé il n'y a pas longtemps, ça. C'est vrai. Ouais, ouais. L'émission de Mathieu le mois précédent. En Angleterre, il y a aussi la contre-culture hippie en Californie, dont on parlera aussi aujourd'hui. Oui, la culture punk aussi, tu peux dire que c'est du rock. De toute façon, dès que c'était un peu protestation contre la génération d'avant, c'était du rock. Ça a commencé comme ça, en fait. Mm-hmm. Quand on disait que c'était les États-Unis, c'était une révolte générationnelle, en fait. C'était pas une révolte raciale ou quoi que ce soit. Donc, à chaque fois, il y a eu révolte contre les punks se sont révoltés contre les groupes un peu hippies ou anciens, qui s'étaient déjà révoltés contre... Enfin, voilà, ça a toujours suivi, quoi. Musique de révolté, quoi. C'est ça. Ouais, musique assez jeune, hein, enfin, un public assez jeune. Et, on va commencer avec le mouvement américain. On va d'abord s'arrêter... aux États-Unis, donc notamment avec la côte est. Sur la côte est, il y a deux groupes qui ont pour la première fois mélangé un peu mélodie et rage rock'n'roll. On va le voir, le son assez typique du rock'n'roll américain dans les années 90. Hein. Oui, après c'est un contexte bien, c'est vraiment les années 90. Ça pue le 90. Ouais. Le son, je veux dire. C'est ça, guitare électrique, etc. Donc avec deux groupes emblématiques, Sonic Youth et Pixies. Donc Sonic Youth, ils sont originaires de New York. C'est un groupe formé en 1981. C'est la figure majeure du rock alternatif. Alors pour Sonic Youth, j'aurais rajouté quand même la rage et la mélodie, mais ils ont aussi, c'est des enfants un peu du Velvet Underground, ils ont aussi apporté un genre de bruitisme aussi dans leur musique, et ils en ont fait... Bon, c'est pas les premiers à le faire, mais... Mais ils ont un peu popularisé ça aussi, quoi. Enfin... J'ai vu une phrase en recherchant un peu sur Sonic Youth. Ils ont été félicités pour avoir redéfini ce que la guitare rock pouvait faire. Vraiment, rien que ça. Ils ont la liberté de... Et le groupe s'est séparé en 2015, assez récemment. Donc ils sont formés en 1980, donc une longévité assez longue. En raison de la séparation, c'est une petite info people. Alors, en raison de la séparation du couple... qui avait l'intérieur du groupe. Et Pixies aussi, groupe de rock alternatif, là originaire de Boston. Donc ils ont eu un succès modeste aux États-Unis, mais un succès assez fort en Europe. Ils ont fait beaucoup de tournées en Europe. Ils ont des textes obscurs, souvent un peu surréalistes, traitant de sujets comme l'ufologie, les ovnis. Ouais. Faut dire Frank Black, le leader, c'est un peu instable aussi. Ouais. Leur musique est les arbres aussi. Hein. Ouais. Leur texte et leur musique, ils sont arrivés dans ces années début 90, là, c'était des morceaux super courts, super violents. C'était neuf. Hein. Enfin, je veux dire, c'était rarement vu comme style de musique, la Surfer Rosa. Ouais, c'est ça, ils ont qui les débouchés des disquaires. Parce qu'à cette époque-là, c'était les vinyles. Vous pouvez pas comprendre. Vous parlez de choses revient. Que vous n'avez pas connues. ça revient. Mais ouais, donc c'était vraiment... des sujets comme l'ufologie, maladie mentale, blessure physique ou inceste. Bon, c'était assez particulier. Et donc, on va se passer... Ça commence bien, donc. Ouais, ça commence bien. Dans la joie et la bonne humeur. On est 90. Bah, pour le rock US, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. Là, parce que je vois qu'ensuite, il y a du Nirvana. Ouais, bien sûr. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc on va s'écouter un son de Sonic Youth, Sugarcane, et deux sons des Pixies, Cecilia Ann et Veloria. We'll be right back. Ce que je disais en off, c'est que t'as pas pris les plus, enfin t'as pris déjà les plus douces, c'était déjà plus enrobé. Ouais, c'est ça, c'est vraiment début 90, là, c'est quand ils lancent le mouvement un peu, mais justement. C'est ce qu'ils veulent les faire connaître, enfin, plutôt grand public, quoi. Et rock alternatif, donc ce terme-là, c'est le renouvellement du rock à les années 90. Et donc la définition du rock alternatif, ça serait pour décrire les groupes inspirés du punk rock. Qui ont des contrats avec des labels indépendants, un peu toujours comme pareil pour le hip-hop, on l'a vu aussi, beaucoup avec des labels indépendants, Et donc vont émerger du coup des styles comme le grunge, qu'on va écouter prochainement. D'ailleurs, dans Rock Alternatif, avant le groupe que tu vas passer juste après, ça recouvre tout un tas de réalités. Avant, quoi. Enfin, on trouve des groupes de grunge avant l'heure comme Alice in Chains, comme les Pixies, comme tu viens de les passer, Sonic Youth, mais d'autres choses, proto-punk. Ouais. Moins connues, bien sûr. Et après, je Velvet Underground, même, c'est un peu du rock alternatif à la base. Quoi, un peu intellectuel, quand même. Mais, mais alternatif. Et je reviens sur le côté Boston, ça a donné naissance à pas mal de petits groupes, dont certains qu'on a passé il n'y a pas très longtemps, Belly, Frank Muses, qui était un peu dans cette mouvance-là de style de musique. Les Pixies étaient un peu la, comment on dit, la tête de pont, la tête précurseur, précurseur. Les premiers de cordée. Les premiers de cordée, les machins. Et après, c'est tout un mouvement, un style musical, mais vraiment dans le style, même en termes de morceaux, avec des morceaux avec des rythmes super changeants, courts. Mais là, on va de l'autre côté, c'est ça. On passe de l'est à l'est. On y viendra plus tard, du coup, il y a le grunge, Britpop, dont on va revenir. Britpop, c'est le rock c'est britannique. C'est anglais. Ouais, mais non, c'est de la transition pareille. Non, mais ça, c'est de la pop. Le rock indépendant, il y a un style que je connais un peu moins bien, mais je pense que vous connaissez, Mathieu ou toi, le shoegazy. Shoegazing. Moi, je connais un peu moins. De shoe et gazing, ça veut dire regarder ses chaussures, quoi. Ah. Ouais. Mettre le son à fond et regarder ses chaussures. Quoi. Du coup, ils sont inspirés pas mal de ça. C'est le hard rock. C'est les Jesus and Mary Chains, c'est les My Bloody Valentine. Donc ça, c'est plus anglais en fait. Mais mais en fait, t'as une transition parfaite sur rock alternatif qui, avec le groupe qui arrive et qui va propulser en fait le rock alternatif sur les devants de la scène, quoi. Bien sûr. Et alors, j'ai une question. Rock alternatif et le rock indie, c'est quoi? C'est pareil. Indie indépendant. Ouais, c'est ça. Il y a encore du rock indie aujourd'hui. Hein. C'est indépendant. Bah, d'ailleurs, à ce sujet, excusez-moi, j'ai une annonce à faire concernant le rock indie. Pour ceux qui sont en Catalogne à Perpignan, vous pouvez... Ça, le concert... Non. Pas loin. Le concert commence à 20h30. Je fais la petite annonce. Après, je laisse ça. Donc, rock indie avec concert de Shortwave et après My Pal Foot Foot. Donc, c'est à l'Entrepôt, 20h30, 28 bis rue des Rois de Majorque à Perpignan. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, vous y allez, après vous aurez le podcast de l'émission. C'est ce soir, c'est 20h30. Okay. On connaît tous le guitariste, je crois. Et donc, on arrive sur le groupe qui fait passer le rock indépendant à un rock grand public. Ils seront considérés par certains d'ailleurs comme les vendus de la musique indépendante. J'ai nommé, enfin, tu as nommé, vas-y. Je pense qu'on peut écouter Nirvana avec Come As You Are. On s'écoute Nirvana, allez. C'est parti. Ils sont venus comme ils étaient d'ailleurs, Nirvana. Oui, d'accord. As you were, as I want you to. Il est 19h30 et on est toujours sur du rock 90. Ouais, rock US, là on était à Seattle. Donc il y a pas mal de groupes hein, qui ont émergé de Seattle. Il y a Boeing. Et notamment, ils ont été pas mal de groupes ont pris position aussi sur les événements. C'était en pleine guerre du Golfe. Et ces groupes-là aussi, dans leur texte, étaient assez critiques. Tout groupe de musique à l'époque, notamment aux US, sur le niveau de vie médiocre de la classe moyenne américaine. Donc il y a eu beaucoup de revendications portées par ces groupes-là, comme Soundgarden, même Nirvana. Et on dit, les spécialistes, les médias spécialistes musicaux, on dit qu'il y avait 4 groupes de Seattle, c'était vraiment basé à Seattle. Ils les appelaient le Big Four de Seattle, donc c'était, t'en as parlé tout à l'heure, Alice in Chains, ouais. Après, que j'aimais beaucoup. Ouais. Bah, il y a Nirvana. À Seattle, il y avait. On vient de l'écouter. Soundgarden. Bien Mathieu. Et le dernier, Pearl Jam. Pearl Jam, ouais. Donc c'était vraiment, voilà. Seattle était une base forte du grunge, ouais, du rock alternatif américain à l'époque. Il n'y avait pas les B-52s aussi à Seattle, non? Plutôt vu côté est, moi, B-52s, ouais. Mais j'en suis pas forcément sûr. Parce que je confonds, enfin, mais je peux pas te dire. Pourtant, clairement. Bon. Pourtant, avec un nom d'avion. Oui, avec un nom d'avion. Un nom d'avion comme ça. Mais ça pouvait le faire. Non, franchement, je suis bien tenté. Il faudrait qu'on passe à un de ces quatre, les B-52s. Bon groupe. Une émission punk bientôt, peut-être. Et là, on va passer à un autre groupe. Si je vous parle de Bill Corgan, ça vous parle? Billy Corgan, c'est les Smashing Pumpkins. Ouais, Smashing Pumpkins. On est à la liste sous les yeux. Originaire de Chicago. Il faut le savoir aussi. Ah, Chicago, donc c'est le lien avec. En fait, on cherchait le lien depuis le départ avec la thématique de Buddha Truth, mais c'est ça en fait, c'est Chicago. Chicago. Voilà, okay. Billy Corgan, qui comme Frank Black et Pixies, un sacré melon d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, je vais en parler. En fait, avec son groupe, ils se sont rencontrés aux Beaux-Arts de Chicago. Comme beaucoup de groupes de musique, ils se rencontrent pendant leurs études. Ah d'accord. Ils vont aux Beaux-Arts de Chicago. Non, pas tous. Ils vont monter leur groupe et ils vont jouer dans les bars de Chicago. Et ils vont enregistrer leur premier album en 91, qui va malheureusement être éclipsé par le succès de Nevermind. De Nirvana. Et tu l'as dit, ouais, Bill Corgan, le leader du groupe, bon, très connu, il est considéré comme un mégalomane. Et visiblement, il est très tyrannique, bon, comme sûrement d'autres artistes, durant les séances de répétition qui n'en finissent pas. Il les fait répéter des heures et des heures. Tout en se vantant de pouvoir écrire plusieurs chansons par jour. Bon. Et ils vont être plutôt popularisés avec leur deuxième album, donc en 1993, parce que le premier a été éclipsé, on l'a dit, par Nirvana. Et on va parler d'un autre groupe. Les Foo Fighters, qui sont aussi formés à Seattle. Bah, bon. C'est le batteur de Nirvana. Ouais, tout à fait. Donc après la dissolution de Nirvana. Excuse-moi, c'est Cavard il n'y a pas longtemps. Non. Non. Si, il est mort il n'y a pas longtemps. Non. Dave Grohl, non. Non, Dave Grohl n'est pas mort. Dave Grohl n'est pas mort, non. C'est pas lui qui est mort de Foo Fighters, qu'ils ont retrouvé dans une chambre d'hôtel. Alors, c'est pas Dave Grohl, je pense. Enfin, ou alors, je l'ai loupé l'affaire. Il y a Mathieu. Non, checker non, ça. Mathieu a dit non, là. Non. Je vous... Par contre, il y a une chose qu'on peut reconnaître à Dave Grohl des Foo Fighters, c'est que c'est peut-être l'un des acteurs de la scène musicale de Seattle qui est le plus... stable. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui il a une longévité. Ouais. Ouais. Voilà, le Foo Fighters s'est formé. Bah non, justement, plus de longévité. Dave Grohl faisait partie de Nirvana et après la mort de Kurt Cobain, ils ont formé Foo Fighters en 94 après. Donc on va s'écouter deux titres. Voilà, Smashing Pumpkins, Foo Fighters et on va enchaîner avec Pearl Jam que j'en parlerai après. DJ. We'll be right back. Donc je rassure les gens autour de la table, effectivement c'est pas le batteur de Nirvana qui est mort, c'est le batteur de Foo Fighters. Donc c'est pas le, la même personne dont on parlait. Non, donc c'est pas en deuil, c'est ça? Non, parce que Dave Grohl, ça va, il est vous avez l'air traumatisé. Ah oui, parce qu'on espère le voir en concert encore. Ah, par contre, le batteur? Ah non, pour ça, il est mort, je sais pas, ouais. Ils l'ont trouvé dans une... Il est mort rock'n'roll. Ah, ça reste terrible. Non, non, voilà, il est mort rock'n'roll dans une chambre d'hôtel. Donc oui. Enfin, tu vois le truc. Okay. Donc voilà. Donc rassurez-vous, tout va bien. On peut enchaîner. On peut enchaîner. On s'écoutait Pearl Jam. Parlons un peu de Pearl Jam. Un groupe très connu aussi. Ils avaient un engagement politique assez fort. À l'époque, anti-Bush. Mais Bush père. Dans les années 90. Le père Bush était... Il est mort aussi. Ah celui-là c'est sûr. Tu peux checker Mathieu, mais... qu'on est bon là. Et un Biden peu... il est mort aussi. Non, ah, non, non. Pas encore. Il se représente. Ça n'est pas sûr. Hein. Et Pearl Jam, je me suis documenté un peu et j'ai trouvé ça intéressant. J'aime aussi. J'ai aussi une culture un peu comics. Et j'ai appris. Que le groupe avait engagé le dessinateur Todd McFarlane, je sais pas si vous connaissez, pour leur clip vidéo Do the Evolution. C'est donc Todd McFarlane, c'est un Canadien, il est dessinateur et scénariste dans les années 90, notamment pour le comic Spider-Man, et c'est lui qui a créé le personnage Spawn des comics. Donc voilà, l'alter ego. Non, attends, Spawn, oui. Oui, il y a eu un. Il y a eu Venom okay. aussi. Non, Venom, c'est autre chose. C'est avec Spider-Man. Spawn, ouais. Ok. Qui Spawn ? C'est un rejeton revenu des enfers. Voilà. Pour, voilà, enfin, tout à fait. Voilà. Ouais. Tu connais. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Voilà, il y a eu un mélange culturel entre ce groupe de musique et les comics. Donc c'était intéressant. Bref. Continuons sur... oui, ce dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Donc le rock alternatif aux États-Unis, donc on l'a dit, c'est... Ils avaient beaucoup de contrats avec des labels indépendants. Et donc c'était des groupes underground qui ont enregistré leur musique voilà, sur des labels indépendants. Et ils se faisaient connaître au tout début grâce aux stations de radio universitaires. Voilà, ça a commencé aussi... Comme les rock'n'roll des années 60. Exactement. 60. Comme les groupes de hip-hop à la base. Et aussi par du bouche à oreille. Et ce qui les a fait émerger dans les années 90. Tous ces groupes-là ont explosé. Et je voulais, pour finir sur la parenthèse du rock américain, dans les années 90, finir sur deux groupes. Alors, la prononciation n'est pas évidente hein, de ce groupe-là. Nine Inch Nails. Donc, et un autre groupe aussi qui tourne toujours, les Red Hot Chili Peppers, qui sont beaucoup plus, enfin qui sont très connus aussi, et qui tournent encore avec le titre Suck My Kiss. Donc on va s'écouter ces deux derniers titres pour fermer la parenthèse du rock US et ensuite on passera à la rubrique de Laurent. va expliquer ce qui se passe. En fait, la musique a été coupée, mais on va la remettre, du coup. C'est ça ? On remet le morceau ou on remet le morceau suivant ? On met le morceau suivant, comme ça, on avance. Et du coup, le morceau suivant, c'est ? Red Hot Chili Peppers, c'est les Red Hot. Suck My Kiss. Bon, bah bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les années 90. Alors pourquoi me direz-vous ? Parce que cette période symbolise définitivement pour moi les années bonheur. Vous allez voir, c'est simple à comprendre. En théorie, les années 90 débutent au 1er janvier 1990 et se terminent le 31 décembre 1999. Mais si on prend en compte les événements qui ont vraiment eu de l'importance, il est mieux de les faire commencer le 9 novembre 1989, jour de la chute du mur de Berlin. Un moment que beaucoup avaient davantage rêvé qu'imaginé et qui a entraîné la disparition du bloc soviétique. Quant à la fin de la période, aucun doute sur la question, elle a eu lieu où et quand ? Le 12 juillet 1998 au Stade de France, quand E1, E2 et 3-0, on a mis la pâtée au bouffeur de haricots rouges. Qui c'est le plus fort ? Évidemment, c'est les Bleus. Pour confirmer la béatitude qui m'assaillit quand j'évoque les 90s, je me dois de dire que je ne vois que des bonnes nouvelles au cours de ces 10 années. Parce que quand même, quand on se retourne, qu'aperçoit-on ? Une foultitude de joyeuseté. les guerres de Yougoslavie, sans doute 300 000 morts, celle de Tchétchénie, le génocide des Tutsis, 800 000 personnes assassinées, la seconde guerre du Congo, plusieurs millions de décès. Il y en a assez, ou je vous en rajoute un petit peu? Alors pour la route, je cite rapidement la guerre du Golfe et la montée de l'islamisme avec tout ce qui en a découlé. Je vais donc vous raconter tout cela au prisme de trois livres présentés sur un excellent blog que je me dois de vous conseiller. Il s'appelle Surbooké, vous y accéderez facilement via votre moteur de recherche préféré ou directement à l'adresse https://surbooké.fr/wordpress. Alors, on débute par la fin du monde communiste. Pour l'illustrer, j'avais plusieurs bouquins à ma disposition sur mon blog. J'aurais par exemple pu vous amener l'Enclave de Benoît Vitkine, qui traite exactement du sujet, à savoir de la première année post-soviétique dans l'enclave russe de Kaliningrad. Mais j'ai mieux, beaucoup mieux. Je vous ai amené Le Tigre de John Vaillant, un auteur américain. Il y a tout dans ce livre. Le Tigre, c'est d'abord un fabuleux roman d'aventure qui se déroule aux confins de la Russie, quasiment à la frontière de la Chine et de la Corée du Nord, un peu au-dessus de Vladivostok, dans le pays de Derzour Utsala, le personnage de Kurosawa. Nous sommes dans le Primorié, une région dont le climat terrifiant voit l'été tropical succéder à un hiver glacial. C'est d'ailleurs pour cela que le génial Staline y avait réservé à proximité un territoire pour les juifs soviétiques, le Birobidjan. Dans cet extrême orient russe, un tigre de l'amour a dévoré un chasseur. L'événement est d'importance car l'usage veut que l'on respecte l'animal pour en être épargné. C'est du moins ce que croient les peuples autochtones. Le tigre local est un monstre pouvant dépasser les 300 kilos, un monstre que rien n'effraie, puisqu'il peut dompter deux ours plus lourds que lui, un monstre qui a appris à vivre en solitaire, en régnant sur son territoire. Le tigre ne s'attaquerait à l'homme que si on lui nuit, par exemple en lui volant son gibier. Malheur alors à celui qui sera pourchassé sans fin par le fauve. C'est ce qui semble s'être déroulé pendant cet hiver 1997, quand Vladimir Markov est retrouvé dévoré, démembré en pièces détachées dans la taïga. Pire encore, le tigre ne semble pas s'être caché avant d'attaquer. Il a attendu sa proie devant la cabane du chasseur, après l'avoir mise en pièces, déchirant le matelas et explosant la vaisselle. Il a d'ailleurs préalablement traqué sa proie, jusque dans un camp de bûcherons. Markov connaissait pourtant les risques à transgresser les règles non écrites du coin. Mais quand plus rien ne fonctionne dans un état en décomposition, quand les emplois disparaissent, quand l'exploitation forestière s'intensifie, sans parler des Chinois prêts à acheter des tigres morts en espérant dérober leur virilité, alors prend fin le fragile équilibre du territoire. Les villageois retournent dans la forêt pour piéger la zibeline ou tuer des sangliers, au risque de menacer la survie des derniers tigres. La traque du fauve commence, elle est d'autant plus nécessaire que la population du prieuré n'ose plus sortir quand elle apprend que le tigre de Markov a récidivé. Ce livre est le portrait d'une société qui se délite, obligée de courir à sa perte pour survivre, et une magnifique description de la vie animale. Ce bouquin, ne le loupez pas, il est d'autant plus génial que ça n'est pas un roman, c'est le récit d'événements réels. Alors on va illustrer ça par une chanson méconnue de Serge Gainsbourg, et puis je vous en parlerai après. Не слышен, небе сон сверкает, желтый лист, старинный вальс, осенний сон играет гармонист, вздыхают жалуя спаси, и словно в забытии сидят и слушают бойцы. Весенним днем ходили мы на круг, под этот вальс в краю родном любили мы подруг, под этот вальс ловили мы очей любимых свет, под этот вальс грустили мы, когда подруги. Thank you. Messieurs et Matignons, Cadilly, Mouna Coug, Palette d'Oise, Afcroyourot Nom, Lubili, Mouy Podoug, Palette d'Oise, Slabili Mouy, Ochel, Lubimix, Viet, Palette d'Oise, Grostili, Mouy, Cagda, Podrougi. Traditionnel russe qui a été chanté en phonétique. Gainsbourg était russe d'origine, ses parents étaient russes, mais lui ne parlait pas la langue. Alors, deuxième bouquin pour illustrer ces années 90, un bouquin qui s'appelle Le Dernier Penalty, écrit par un journaliste italien qui s'appelle Gigi Riva. Place donc aux dernières heures de la Yougoslavie, juste avant que cette fédération n'implose. Un sujet que je vais aborder en vous parlant foot, parce que le foot est définitivement quelque chose que l'on apprécie dans Blue Dark Roots, surtout Pierre Julien, qui porte toujours son maillot du LOSC quand il s'approche du micro. Je me téléporte donc en quart de finale de la Coupe du Monde de 1990, au moment où le capitaine de l'équipe yougoslave s'apprête à tirer un pénalty. Nous sommes le 30 juin à Florence et son équipe est réduite à 10 depuis 90 minutes face à l'Argentine de Maradona. Fin des prolongations, place à l'ultime tir yougoslave, celui de Farouk Hadžibegić, qui est repoussé par Goycochea, le gardien argentin. Que se serait-il passé s'il avait réussi? Le sort de son pays en aurait-il été changé? Aurait-il survécu à la déflagration annoncée qui allait faire éclater la création de Josip Tito? Telle est la question que se pose Gigi Riva dans le dernier pénalty. Il a toute légitimité pour le faire en tant qu'ancien correspondant de guerre dans les Balkans et comme rédacteur en chef de l'hebdomadaire italien L'Espresso. La réponse à la question, nous la connaissons. Rien n'aurait pu empêcher la disparition de la Yougoslavie, dont le délitement avait déjà débuté. La sécession de la Slovénie était imminente, ainsi que la guerre civile, qui ferait 300 000 morts et déplacerait 4 millions de personnes. La fédération yougoslave, imposée par Tito, était trop artificielle. Ce n'est pas l'entraîneur Ivan Osim qui aurait pu dire le contraire, l'entraîneur de l'équipe yougoslave, tant il était harcelé dans sa composition d'équipe pour respecter les équilibres entre les représentants des six républiques, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie, la Macédoine, le Monténégro et la Slovénie. Une tâche d'autant plus difficile que les joueurs avaient souvent plusieurs origines, comme par exemple Zlatko Vuzovic, célèbre joueur bordelais, qui était bosnien d'origine croate. Gigi Riva nous montre combien les oppositions ethniques affectaient le football. Les prémices du désastre étaient en effet apparues le 13 mai 1990 à l'occasion d'un match de classement du championnat national entre le Dinamo de Zagreb croate et le Partizan de Belgrade serbe. Ce jour-là, les débordements des supporters avaient provoqué l'intervention des blindés anti-émeutes. Tout l'environnement s'y prêtait puisque Radovan Karadžić avait déjà pris pied comme psychologue dans un club du championnat yougoslave. Lui qui allait devenir le chef des Serbes de Bosnie avant d'être condamné à 40 années de prison pour génocide par le tribunal pénal international de La Haye. Le modeste bosnien Farouk Hadžibegić n'avait donc rien à se reprocher. Un impossible, nul n'était tenu, ni lui, ni aucun autre n'aurait pu faire perdurer cette sélection au-delà de cette ultime Coupe du Monde du football yougoslave. Alors, petite musique yougoslave pour illustrer ça, et je vous en dis un peu plus après. Amara Alors on vient d'écouter Ederletzi, qui est un chant traditionnel gitan de Yougoslavie, qui est plus ou moins attribué à Goran Bregovic, un chanteur bosnien, qui à lui tout seul symbolise le joyeux bordel ethnique qu'était ce pays. Je vous rappelle, 6 républiques plus 2 sous-républiques que je ne vous ai pas citées, le Voïvodine et le Kosovo. Le Kosovo, vous savez peut-être ce que c'est, donc c'est la république aujourd'hui indépendante avec un statut un peu bizarre qui est peuplé par des Albanais. Et le Voïvodine, c'est une république rattachée à la Serbie. Le Kosovo, ça résonne de manière assez sinistre d'ailleurs, je pense aujourd'hui pour ceux qui ont vécu un peu les années 90. Oui, oui, c'était, ou même 80, moi j'y suis allé dans les années 80 au Kosovo sans le savoir, mais c'était déjà assez hot. Et le Voïvodine, donc c'est une république à majorité hongroise. Vous connaissez sans doute un personnage issu du Voïvodine. Petit tour de table. Donc là, ils sont tous passés sous la table. Ça commence par un C, ça finit par un Q, non, c'est... Non. Non, c'est pas... C'est Monica Seles, la tennis woman, américaine, qui est de nationalité américaine, ouais, mais qui est originaire de là-bas. Ah oui, le tour de table, c'était pour les tennismen présents. <quoi. rire> C'était Allez, pas pour moi, donc. Troisième et dernier bouquin pour illustrer ces années 90. Une trilogie. La trilogie Ben Lazar, écrite par un écrivain, un romancier qui s'appelle Frédéric Pollin. Alors il faudra un jour savoir pourquoi les auteurs de romans noirs sont quasiment les seuls à traiter des sujets politiques. Frédéric Pollin est de cela, et il revendique en tant qu'écrivain de polar le droit d'écrire sur d'autres thèmes que les psychopathes. Avec La guerre est une ruse, Prémices de la chute et La fabrique de la terreur, il a consacré une trilogie exceptionnelle à la décennie noire en Algérie, celle des années 90. Pollin nous propose un récit haletant de cette période si mal connue et qui a pourtant fait une centaine de milliers de morts ainsi qu'un million de déplacés pour la seule Algérie. Ces massacres se sont ensuite propagés en France avant de se répandre dans une grande partie du monde. C'est tout cela que nous raconte Pollin en commençant par la guerre civile algérienne qu'il analyse comme une lutte entre les généraux et les groupes islamiques, leurs créatures qui leur ont échappé. Chez Pollin, inutile de chercher une dichotomie entre les bons et les méchants, parce que des généraux algériens prêts à tout pour garder le pouvoir et des barbus armés ont peine à dire quels sont les pires. Tout au long de ces trois thèmes, Frédéric Pollin suit un personnage qui s'appelle Tedj Ben Lazar, un lieutenant français qui travaille pour la DGSE. Il est en mission à Blida quand il comprend que le pouvoir algérien a créé des camps de concentration dans le sud du pays pour y enfermer et y tuer les islamistes. Dans le second volet de sa trilogie, Pollin délaisse l'Algérie pour nous raconter l'apparition d'Al-Qaïda. On assiste à l'attaque des tours du World Trade Center, on voyage en Bosnie, au Pakistan, en Afghanistan, à la recherche d'Oussama Ben Laden. On constate la création des premiers commandos terroristes sur le sol français. L'ultime tome est consacré aux attentats de Meret à Toulouse en 2011 et à ceux de Charlie Hebdo et du Bataclan à Paris. Certes, Ben Laden a été abattu et l'Amérique s'en est réjouie, mais rien n'a été réglé. Alors, troisième et dernière chanson, un peu plus rayonnante, un peu plus optimiste que la précédente, de Rachid Tara. Ok, on reprend. Merci beaucoup Laurent pour cette chronique. Éclairée et éclairante. Exactement. Ouais, sur une période que vous n'avez pas connue. Si, nous, on était jeunes, mais on suivait les infos aussi, on commençait. Ouais. Mais oui, ça fait écho tout ce qu'a dit Laurent, bien sûr. Et puis on a lu quand même des livres sur... Je comprends bien. C'était pas le sens de mon truc. Hein. Et Laurent l'a dit, bien sûr, son site, il faut y aller, le blog de Laurent. Voilà, sur bouquet.wordpress.fr, c'est ça, je pense. Il vaut mieux chercher l'adresse sur dans un moteur de recherche. Ça sera plus exact. Sur bouquet. Voilà, donc avec tout un tas de chroniques sur les livres qu'il a aimés, surtout parce que les livres qu'il n'aime pas, il referme assez vite. Je n'en parle pas. Voilà, je ne dis que tout du bien. Simplement. Donc la transition, on va passer maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. On arrive au Royaume-Uni, bon, où le rock a émergé dans les années 70, bien sûr. Et on va passer à la Britpop. Britpop. Alors c'est pas du rock, ça. C'est du pop. Non. C'est de la pop. Qu'est-ce que ça veut dire Britpop, déjà? C'est la pop un diminutif. Britonne. Whitish popular music. Voilà. Émerge de la scène musicale indépendante dans les années 90. Et va se caractériser, bien sûr, on va revenir toujours au style d'avant, on va s'en servir par l'influence de la pop britannique des années 70. Ils vont revenir dessus. Et l'apogée de ce courant musical, la Britpop, et notamment en 95 avec deux groupes emblématiques, vous les avez sûrement. Qui se tirait la bourre d'ailleurs. Hein. Ouais. Un côté plutôt londonien et un autre plutôt nord de l'Angleterre. Est-ce que tu essayes de dire qu'il y avait un groupe qui était bourgeois et l'autre prolo? Non, parce que c'est des raccourcis machin, mais il y avait ce côté ouais, un peu prolo, par contre c'est sûr, et l'autre peut-être un côté un petit peu plus artistique. Ouais. Mais de ce que j'ai lu, c'est un peu les médias qui faisaient monter ça, oui, cette rivalité. Bah, c'est comme PGO. Comme toujours, différence de culture entre les riches du sud, Blur, donc londoniens. En fait, ils sont issus des classes moyennes londoniennes, hein. Damon Albarn. Ouais, mais classe moyenne londonienne, ça te pose mais déjà une école d'art quand même. Oui, voilà. France, c'est classe moyenne londonienne, mais classe par moyenne. Rapport à la classe populaire de Manchester, c'est exactement. T'es quand même... contre les pauvres du nord, de la classe ouvrière déshéritée de la banlieue de Manchester, Oasis. Donc Blur, Oasis qui ont été un peu fils opposés. Immigrés irlandais. Enfin, t'as tout, c'est vrai. Ouais. T'as tout le côté générationnel ouvrier. Les frères Gallagher, fans de Manchester. City. Gala Bud. Il faut être précis. Ils suivent encore, hein. J'ai vu encore Noël Gallagher qui allait féliciter les joueurs de Manchester City quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Équipe de pauvres, Manchester équipe de City. Pauvre, très pauvre, oui. Oui, ils appartiennent à un très pauvre. Oui, maintenant oui. Au départ, je ne sais pas. C'est vraiment c'est vraiment le club de la ville. Ouais. C'est vraiment les citizens, parce que c'est vraiment le club de la ville, alors que Manchester United, c'est plus. Il y a un excellent bouquin qui parle d'économie du football d'ailleurs sur ton blog. Et est-ce que Manchester City a survécu à cette financiarisation du football en Europe? D'ailleurs, j'ose la question. Bah, oui, ils existent toujours. Bah, ils sont financés par... Abu Dhabi. C'est Abu Dhabi? Abu Dhabi. Enfin, sans doute, une joyeuse démocratie du golf, quoi. Et donc oui, bien sûr qu'ils survivent. Mais moi, je suis pas complètement d'accord sur le fait, on va parler foot, mais sur les deux clubs de Manchester, Manchester United était aussi une équipe populaire, hein. Je crois que ah oui, non, quand c'est George Best y arrive... C'est simplement que c'est pas le club de la ville, du centre-ville, quoi. Ah oui, au niveau des supporters, ouais. Les babies. Aujourd'hui, on peut dire que le seul grand club de foot qui reste avec une âme populaire, c'est Liverpool. Quoi. Oui. George Best qui disait avec mon argent, je l'ai dépensé dans la drogue, les voitures et les femmes, et le reste, je l'ai gaspillé. Non, il n'avait pas dit la drogue, il avait dit l'alcool. L'alcool, pardon. Le reste, vous l'avez gaspillé. Et le bouquin qui parle d'économie du football en Europe, si tu peux rappeler le titre peut-être. Alors, je ne l'ai pas en tête, mais c'est Michael Correa, journaliste à Mediapart, qui l'a écrit, et oui, c'est absolument génial, ouais. Parenthèse. Voilà. Non mais c'est très intéressant justement sur cette culture anglaise, ouais, mélangeant rock et sport, avec le foot notamment. Ouais, avec un groupe qui s'appelle Saint-Étienne. On en parlera après, ouais. Et ouais, donc musicalement, la Britpop, parce qu'on en a parlé tout à l'heure du rock américain, musicalement, alors le terme je l'ai pas, tu l'as toi, reverb, c'est ce que ça veut dire? Reverb. Reverb. La reverb, la réverbération, c'est ça? Sur la guitare. Ah oui, oui, la reverb, c'est en fait c'est un effet c'est une pédale d'effet en fait, t'appuies dessus et puis ça crée un phénomène d'écho en fait. Exactement. Enfin pas vraiment d'écho mais de réverbération. C'est ce qu'ils disent, en fait c'est ouais, afin voilà. d'injecter au son un aspect rock du stade. Donc, voilà tout à foot. Fait, ouais. Ouais, ouais. Donc le rock britannique. D'ailleurs c'est les Beatles qui ont un peu inventé un sous-genre du rock qui serait le stadium rock et c'est ce genre de grand truc avec des da da da da da da, da tu vois, enfin Hey Jude c'est un peu le prototype de ce qu'on pourrait appeler le stadium rock et qui est voué en fait à être chanté par beaucoup de monde, beaucoup de personnes, par une foule en fait. Une sorte d'hymne quoi. Voilà, ouais, un hymne voilà, une comme le supporter ouais. Liverpool, voilà. You Will Never Walk Alone qui est à la base une chanson rock. Mm-hmm. Donc voilà, le rock britannique des années 90, ça va être avec cette base-là, une guitare acoustique grattée jovialement, des progressions d'accords simples en accompagnement d'arrangements de cordes, de piano et de mélodies enjouées. Surtout, ouais, très enjouées, très chantées. Ouais. Chantées en chœur, comme on l'a dit. Il faut que ça puisse se jouer dans des pubs et être chanté par tous les mecs qui ont 3 litres de bière dans le bide, quoi. C'est ça. Ou pas, d'ailleurs. Donc ça a eu un gros succès jusqu'au 96-97, il y a eu une sorte d'overdose, hein. Overdose dans les deux sens, overdose des artistes aussi, et overdose du public, qui en a eu marre de ce style de musique. Mais on va quand même écouter les prémices de cette Britpop avec deux artistes, PJ Harvey, qui est une artiste qui tourne toujours, mais PJ Harvey c'était le nom du groupe, mais l'artiste quand elle s'est séparée, elle a gardé ce nom-là. Ça c'est Britpop ça. Ouais. D'accord. Et Supergrass, aussi un groupe. Supergrass, les mecs ils avaient 16 ans à l'époque et dégageaient une telle maturité musicale et une telle énergie, ça c'est pur bonheur. Voilà. Donc on s'écoute PJ Harvey, il l'a Supergrass. Look at these, my work strong arms, and you've got to see my bottle full of charm. I lay it all at your feet. You turn around and say back to me. He said, "Shall I begin?" Yeah. Ça, c'est vraiment rock comme. Ouais, donc comme on va écouter PJ Harvey et Supergrass. On est toujours dans la Britpop, donc au Royaume-Uni dans les années 90. Et il y a un autre groupe, Pulp. Ça vous parle? Non. Oui, ils sont cultes. Je ne les ai pas écoutés, mais. Moi non plus, franchement. Mais pas beaucoup, moi non plus, j'ai découvert. Ils sont un peu plus confidentiels, je pense, que Supergrass, que des Blur ou des Oasis. Mais ils ont eu vraiment un impact fort, je pense. En tout cas, ouais. Pour tout ce que j'ai lu sur la Britpop, ils ressortent toujours, quoi. Enfin, mais ils sont peut-être moins. Mais ça reste globalement des groupes qui se sont créés durant les années 90. Oui. Ouais, fin 80, début 90. Et le leader du groupe, c'est Jarvis Cocker, donc il est assez connu aussi. Mais et là, on s'écoutera un titre, Common People. Donc le thème aussi, c'est un peu, les textes sont un peu sur des thèmes particuliers. Là, ça va être le récit sarcastique de jeunes hommes de bonne famille qui s'ennuient. Il y avait un film aussi comme ça des années 90, qui se passe sur la Côte d'Azur, où les gamins, ils s'ennuient, ils font n'importe quoi. Ah oui. Mort vivant ou mort-né, un truc comme ça. Bah, de toute façon, quand les gamins ils s'ennuient, ils font toujours n'importe quoi, hein, que ce soit dans les bonnes familles ou dans les familles un peu moins bonnes. Quoi. Bon. Après, on s'écoutera Blur, donc le groupe, on en a parlé, où il y avait cette rivalité montée par les médias entre Oasis et Blur. Donc Blur, Damon Albarn. Ouais, je sais pas si vous avez entendu parler, ils ont fait un concert il n'y a pas longtemps, au festival en Californie, Coachella. Ils ont fait la gueule, ouais. Ils ont fait la gueule, visiblement, parce que donc il a chanté un des titres les plus dansants de Blur, Boys and Girls, qu'on va passer d'ailleurs, enfin Girls and Boys. Et le public, il, à chaque refrain, il attendait que le public reprenne en chœur le refrain. Il voulait pas, donc il a fait OK, on reviendra pas. C'est assez vexé. Fait, Damon Albarn a fait une erreur, c'est de penser que tout le monde allait reprendre en chœur son refrain, sauf qu'il chantait devant des gens qui étaient d'une génération inférieure, la génération d'après plutôt. Et puis le public de Coachella, ils viennent pas pour voir des groupes, j'ai pas l'impression. Ils viennent pour autre chose. Bah, c'est des mecs qui avaient aussi 30 ans de moins, quoi. Aussi. Et ils connaissent pas Blur. En tout cas, simplement, c'est qu'il a monté un groupe aussi. Avec Paul Simonon, donc le bassiste des Clash, et Tony Allen, le batteur de Fela, qui est la pointure de l'African Beat. Ils sont passés à Toulouse l'année dernière, j'ai été les voir au Rio Loco, tout à fait. C'était un hommage à Tony Allen. Tout à fait. Et on va s'écouter l'autre groupe de Manchester, Oasis. Bon, j'ai entendu que certains ne sont pas fans ici. Ouais. C'est vrai que c'est partagé, les avis sur Oasis. C'est normal. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc Oasis, ils ont été quand même connus pour leur musique, mais aussi des incidents sur la drogue, l'alcool. Leur gros melon, surtout. Ils se considéraient comme le dernier grand groupe de rock, alors que l'histoire... à réfuter, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est devenu un phénomène assez rapidement, quoi. Ouais, dès leur premier album, ils ont fait. Et puis la bonne entente ou la mauvaise entente entre les frères Gallagher, hein, ce qui arrive dans une fratrie, ouais. Notamment quand tu travailles ensemble, ça peut arriver. Moi, c'est devenu l'archétype du groupe de rock qui plein de frasques. C'était pas les premiers et c'était certainement pas les derniers d'ailleurs. Il y avait un autre groupe à cette époque, mais qui n'a pas duré, parce que, je suis désolé, je vais encore parler de mort, c'était les Charlatans, je crois, et dont le chanteur a eu un accident de voiture alors qu'ils ont enregistré un morceau, et en allant revenant au studio d'enregistrement, accident de voiture, et c'est un groupe qui marchait pas mal, un peu dans Manchester aussi, d'accord. Il me semble. Mais justement, une anecdote sur Oasis que j'ai lu. Donc à l'époque, début de leur carrière, il y a beaucoup de concerts, d'enregistrements. Moi, ils avaient un style de vie un peu hédoniste, à profiter après les concerts ou avant les concerts. En septembre 94, ils font un concert à Los Angeles. Le chanteur Liam Gallagher, il fait une prestation médiocre. Visiblement, il s'est bien chargé avant. Et donc, il insulte le public, parce que le public n'apprécie pas sa manière de chanter. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Du coup, il frappe son frère Noël avec un tambourin. Première séparation du groupe. Le tambourin qui était un hommage aux Stone Roses. C'était une autre caractéristique d'Oasis, c'était de cette magnifique capacité à ponctuer toutes leurs phrases par le F-word, quoi. Et je crois que Rock en scène, dans les années début des années 2000 ou fin des années 2000, ouais, c'est là où ils sont idem, séparés. Ils se sont, c'est là où ils sont au début du concert, ils se sont tapés, et là c'est là où ils ont acté la rupture du groupe. Oui, après, c'est pas plus... Malgré tout ça, Oasis, ça reste un groupe qui a de super chansons. Ouais, et d'ailleurs, on va se proposer d'écouter l'une de leurs chansons phares. C'était leur premier album ou leur deuxième c'est album, ça. Je pense. Un très bon titre, Cigarettes sans alcool. Donc on va s'écouter Pulp, Blur et Oasis. C'est parti. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the debt was loaded. I said my case of room, Coca-Cola, she said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me, but she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Yeah. 21h51, Blue Fruit spécial rock 90, alors pour le coup anglo-saxon quoi. Ouais, là on y est. Oasis, Cigarettes and Alcohol. Très bon titre d'Oasis. Maintenant on va passer deux groupes. Et après Stéphane, t'auras le groupe. Tu crois qu'on aura le temps de la fameuse ville que tu affectionnes tant. Ça va être serré, ouais. Mais moi je pense qu'on va passer un de tes groupes et après Saint-Etienne. Voilà. Et après on repasse okay, à bon, du coup je parle des deux groupes. Nous on va parler quand même avant d'annoncer l'émission okay. Du mois prochain qui ouais. sera du coup on va rester dans l'univers du rock et là on va faire une spéciale rock français, pas forcément des 90, rock français. OK. Dans l'idée qui était prévu pour ce soir mais comme on a eu une espèce de crise de logorée bah, évidemment non puis il y a eu pas mal de sons et beaucoup de bons sons donc autant finir sur les Britons voilà. et puis on fera ça en mai voilà on continuera donc sur le rock. OK, alors c'est deux groupes du coup. Elastica, un groupe que je connaissais pas, hein, originaire de Londres. Donc ils ont participé à une bande originale très connue d'un film connu des années 90 anglais. Ouais, un film anglais des années 90. Snatch. Crime arnaque botanique. Trainspotting. Ouais. La bande originale, je vous dis, les groupes dedans, il y a Pulp, Blur, Elastica, New Order, Underworld, Iggy Pop, David Bowie, Brian Eno. Une bande originale, on se rappelle du film magique. Donc ils font partie de cette bande originale. Deux en plus, non? Ouais, excellent le 2. Ouais, parce que ouais, récemment, ouais. Hein, tout à fait. Le réalisateur, c'est... Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Bah, c'est celui-là même. Oui. Ouais, oui. Laurent, tu l'as pas? Non. Non plus. Avec tes questions aussi. Ça va revenir. Mathieu va checker. Et le deuxième groupe, Radiohead, album majeur. Mm-hmm. OK Computer, vous le connaissez, celui-là. Donc c'est un groupe, enfin le rock dans ce groupe a été marqué par le jeu à trois guitares. C'est un groupe qui s'est formé au lycée, comme j'ai dit, comme beaucoup de groupes. Par contre, ils avaient une petite anecdote, ils avaient une ambiance assez stricte à l'école. Donc ils ont un week-end, ils ont voulu répéter. Ils ont voulu jouer un dimanche dans la salle musicale de l'école. Mais le directeur, il leur a dit, vous allez payer une amende pour avoir joué le week-end dans la salle de musique. Donc Radiohead, premier succès avec Quip. Je sais pas si vous vous rappelez de ce titre-là, un peu lent. Non, c'est celui-là que tu vas nous passer. I'm a creep, non, je suis un nul. Et Je me rappelle du clip, c'était une voiture, on voyait une voiture qui roulait. Danny Boyle, voilà. Exactement. Pardon. Tu l'as. Et ce titre, Quip, de Radiohead, donc il n'a pas été diffusé par la BBC, Radio One. Pourquoi? En raison de son caractère dépressif. Ils ont dit, ouais, on ne passera pas. Je pense qu'il est temps que tu dises au revoir avec ton son. On passe les deux sons. Si tu veux entendre du son. On va surtout passer Saint-Etienne. On passe les deux sons, du coup, Elastica et Radiohead, et après on passera Saint-Etienne. Ça m'étonnerait. Hein, c'est une... on c'est vous pas dit grave. Bonsoir sur Radio Montpaïs avec Elastica et Radiohead, et on vous dit au mois prochain avec le rock français, ouais. Oui, puis on commencera par Saint-Etienne, justement. Ça fera le lien. Vous connaissez déjà l'introduction. On va faire le lien entre les deux émissions. Allez, bonsoir sur Radio Montpaïs. Merci, spécial Rock 90. Merci à toi, Mathieu, pour la technique. Merci à Laurent. Merci à toi, Laurent, pour ta chronique. Merci à vous. Et puis on vous remercie, vous, cher public, et on vous dit au mois prochain. Avec du bon rock, du vrai rock, cette fois. Du rock français, mais... Alors, il y a une question qui reste inéludée. Est-ce que le rock français, c'est pas un peu comme le vin anglais? Bonsoir à tous. Au revoir à tous, on se revoit le mois prochain. Ciao.